On fait autre chose. Ça te dit? Voilà. Non, ça va être rythmique. Thank you.

posée, mais elle est un peu sauvage. C'est un peu sauvage mon truc. Thank you. Thank you.

Thank you.